Dans cette foule, j'ai retrouvé un collègue de travail, Belaïd. Il voulait aller aux toilettes. Je lui ai déconseillé. De plus, il avait échappé au coup. Je lui ai dit de faire ça, dans les escaliers. Il a refusé. Et il est parti aux toilettes. Je ne sais plus, un quart d'heure ou trois quarts d'heure après, je me retourne et il était derrière moi. Il était blanc. Ses traits avaient changé. Ce n'était pas le même homme qui était parti. Belaïd, qu'est-ce qu'il y a ? Il me tombe dans les bras. Je l'ai soulevé. Je me suis frayé un chemin à travers la foule. En arrivant à la cave, j'ai vu l'horreur. Je me suis dit, mon heure est arrivée. J'ai déposé mon ami par terre. Un policier s'était approché pour me frapper. Et un médecin a crié. Arrêtez-vous, massacre. Où je m'en vais.